Jamais celle du chouchen, alors remue-toi, faut que ça vienne. Jamais celle du chouchen, alors remue-toi, faut que ça vienne. Couleur soleil, douceur de miel, y'a rien de mieux que l'hydromel. Il te fait perdre tes moyens, ça y est, je sens que ça vient. J'ai dit plus de chouchen, oui, j'ai dit plus de chouchen. J'ai dit plus de chouchen, disons bien. Ils sont tombés dedans. De Saint-Malo à l'Orient, c'est sûr, ils sont tombés dedans. C'est ça qui leur fait dire je t'aime, vous prendrez bien un peu de chouchen. C'est ça qui leur fait dire je t'aime, vous prendrez bien un peu de chouchen. Couleur soleil, douceur de miel, y'a rien de mieux que l'hydromel. Il te fait perdre tes moyens, ça y est, je sens que ça vient. J'ai dit plus de chouchen, oui, dit plus de chouchen. Y'a dit plus de chouchen, dis au bien. Je peux en boire jusqu'à 5 litrons. Les grands palais se vous diront, je peux en boire jusqu'à 5 litrons. Mais je sais pas où ils vont trouver leur fameux centre de gravité. Je sais pas où ils vont trouver leur fameux centre de gravité. Couleur soleil, douceur de miel, y'a rien de mieux que l'hydromel. Je te fais perdre tes moyens, ça y est, je sens que ça vient. J'ai dit plus de chouchen, oui, j'ai dit plus de chouchen. J'ai dit plus de chouchen, qui sont bien. Et des jolies filles. On a chanté l'apologie du pétard et des jolies filles. Mais jamais celle du chouchen, alors remue-toi, faut que ça vienne. Jamais celle du chouchen, alors remue-toi, faut que ça vienne. Couleur soleil, douceur de miel, y'a rien de mieux que l'hydromel. Il te fait perdre tes moyens, ça y est, je sens que ça vient. J'ai des vues de chouchen, oui, des vues de chouchen. J'ai des vues de chouchen, qui sont bien.